agent britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Il joue le docteur amoureux et le roi éclate de rire, il a 20 ans. Et il trouve en Molière quelqu'un qui lui apporte un petit peu d'air frais et quelque chose qui correspond à sa jeunesse et à sa gaieté. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage... Là, les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Molière, plus que jamais, est d'actualité. À Versailles, va s'ouvrir à l'initiative de son maire, François de Mazières, la 20e édition du Mois Molière, qui offre, sous les auspices de sa mémoire, des représentations à ciel ouvert et gratuites pour la plupart, en mettant le spectacle vivant à l'honneur brillamment. Et voici quelques jours, la cérémonie dite des Molières, qui a connu sa 28e édition, où l'on s'attache à récompenser le meilleur du théâtre actuel, a rappelé par sa dénomination, comme chaque année, que l'auteur de Don Juan, de Tartuffe et du Misanthrope est installé au premier rang de notre panthéon national, au premier rang et même du côté de la scène et du côté de la littérature, à la première place. Voilà bien qui donne le goût de considérer selon quel processus, selon quel travail de la mémoire et de la culture nationale, sa figure a pu conquérir cette situation sans pareille. Il va s'agir ce matin de braquer notre curiosité sur Molière après Molière, sur les avatars de son image et en somme sur la quasi-permanence de son actualité du XVIIe siècle à nos jours. Et pour cela, je vais faire appel à la compétence de Martial Poisson, professeur d'études théâtrales à l'Université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, dont les recherches se sont largement portées sur ce thème et sur ses alentours. Avec lui, nous allons nous attacher à éclairer les traits essentiels et peut-être les malentendus sur lesquels a pu durablement se fonder une telle gloire française et universelle. Ô roi, si j'ajoute une scène à la comédie, et c'est une espèce de fâcheuse assez insupportable qu'un homme qui dédie un livre. Votre majesté en sait des nouvelles plus que personne de son royaume, et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle se voit en but à la furie des épîtres dédicatoires, mais bien que je suive l'exemple des autres et me mette moi-même au rang de ceux que j'ai joués, j'ose dire toutefois à votre majesté que ce que j'en ai fait n'est pas tant pour lui présenter un livre que pour avoir lieu de lui rendre grâce du succès de cette comédie. Je le dois, sire, ce succès qui a passé mon attente, non seulement à cette glorieuse approbation dont votre majesté honora d'abord la pièce et qui a entraîné si hautement celle de tout le monde, mais encore à l'ordre qu'elle me donna d'y ajouter un caractère de fâcheux, tant elle eut la bonté de m'ouvrir les idées elle-même, et qui a été trouvé partout le plus beau morceau de l'ouvrage. Ceux qui sont nés en un rang qu'élevé peuvent se proposer l'honneur de servir votre majesté dans les grands emplois, mais pour moi, toute la gloire où je puis aspirer, c'est de la réjouir. Je borne là l'ambition de mes souhaits, et je crois qu'en quelque façon, ce n'est pas être inutile à la France que de contribuer quelque chose au divertissement de son roi. Quand je n'y réussirai pas, ce ne sera jamais par un défaut de zèle ni d'étude, mais seulement par un mauvais destin qui suit assez souvent les meilleures intentions et qui sans doute affligerait sensiblement. Si, de votre majesté, le très humble, très obéissant et très fidèle serviteur et sujet, Molière. Martial Poisson, bonjour. Bonjour. J'ai choisi cet épître dédicatoire des fâcheux de Molière en date de 1661. C'est un extrait d'une émission qui s'appelle « La matinée des classiques », 29 septembre 1949. Je l'ai choisi parce qu'on y voit l'homme de cour et que d'emblée, on peut se demander comment ce courtisan, fondamentalement courtisan, a pu beaucoup plus tard devenir la figure dominante du théâtre républicain sous la Première République et sous la Troisième. Oui, c'est tout à fait passionnant. On est dans l'exercice imposé de l'éloge au prince qui constitue un moment incontournable de la plupart des éditions de théâtre. Mais on est en 1661, qui est une année assez intéressante puisque c'est le moment justement où Molière devient courtisan après quand même 13 années passées sur les routes de province à jouer les saltimbanques dans les petites cours, dans les villages. Donc il y a aussi un Molière auquel cette préface ne rend pas justice, qui est un véritable homme de spectacle itinérant et qui ne va que tardivement faire le jeu du courtisan. Il rentre à Paris en 58 et à travers une succession d'appuis et de stratégies de positionnement, il va finalement jouer le jeu du théâtre de cour, mais dans une vraie deuxième période de sa vie, et avec toute l'ambiguïté que met en œuvre cette préface, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans l'éloge, et on est également dans la mise en œuvre de la satire, puisque Les Fâcheux est une pièce entièrement consacrée au ridicule de cour. Dans la tradition des moralistes, hein, on croque les ridicules des grands personnages de son temps. La cour et la ville, et la cour et la ville ne m'offrent rien qu'objet à m'échauffer la bile, dit le misanthrope. Et vous rajoutez aussi la campagne, absolument. La province profonde, comme on pourrait dire à une autre époque, avec d'autres mécénats néanmoins et d'autres protecteurs. Tout à fait, comme le prince de Conti, hein, c'est pas négligeable, qui à l'époque s'occupe du Languedoc et qui est à peu près la troisième personnalité du royaume. Donc la période provinciale n'est pas du tout une période d'isolement et d'anonymat, mais c'est quand même une période où le théâtre bat campagne, où Molière se confronte à un public réellement populaire, à un public composé de toutes les catégories de la société, ce qui sera plus du tout le cas des années parisiennes, y compris à la ville. On sait aujourd'hui que le public du théâtre de ville est loin d'être un public populaire, puisque même les places les moins chères, les places du parterre, les places où on assiste au spectacle debout, représentent à peu près l'équivalent d'une journée de travail, du salaire d'une journée de travail d'un artisan. Et quand on observe ce destin, on voit déjà les trois moments qui vont pouvoir servir d'ailleurs au développement d'une mythologie ultérieure. Les années de formation, les années d'obscurité et puis l'émergence dans la gloire proche du roi Soleil. Absolument, absolument. Et Molière ne renie à aucun moment aucune des dimensions de son travail depuis les origines, où finalement il aurait pu se contenter de reprendre la charge paternelle. Hein, Molière est le fils d'une famille de bons bourgeois tapissiers sur plusieurs générations qui bénéficient de la charge de valet de chambre du roi, qui est une charge honorifique importante hein, dans le protocole de cour et qui permet notamment d'assister au petit lever du roi à la cour. Donc Molière est en rupture de lien familial dès les origines, mais d'une façon qui est sans doute beaucoup moins brutale qu'on ne l'a ensuite donné à penser, puisque son père le soutient, tout en désapprouvant sa vocation, le soutient, paye ses dettes quand il va en prison pour dettes, notamment après l'échec commercial de sa première formation, l'Illustre Théâtre, qui finit d'une façon épouvantable, criblée de dettes, et où Molière est justement le seul bourgeois de la troupe et donc le seul en mesure de rendre compte de ses dettes. Là, on trouve un schéma qui se rencontre dans beaucoup de chapitres de l'histoire littéraire. Le père voudrait que le fils devienne avocat ou fonctionnaire, mais il choisit la bohème et la création théâtrale ou littéraire. Absolument, c'est ce qui permettra d'ailleurs aux romantiques d'en faire une sorte de héros paradoxal, alors même que par ses origines, il appartient à la bonne bourgeoisie de l'époque. Et ensuite, ces années provinciales sont des années finalement où il va développer essentiellement des qualités de directeur de troupe, des qualités d'homme d'affaires, on pourrait dire, avant la lettre, puisque après avoir donc eu à rendre compte de dettes importantes, les dettes contractées au début de sa carrière vont avoir un impact sur son travail pendant plus d'une dizaine d'années. Donc les années de province sont des années où on va chercher des publics, chercher des protections, chercher des subventions, refaire la santé économique du théâtre et apprendre ce que c'est que la gestion des ressources humaines, pour employer un anachronisme, c'est-à-dire la responsabilité d'une troupe constituée de plus en plus importante, avec des frais de plus en plus importants. Vous êtes beaucoup intéressé personnellement, Martial Poirson, à la question de l'économie du théâtre, du spectacle vivant. Cela conduit aussi à des réflexions contemporaines. Absolument, oui. On peut voir dans Molière le fondateur d'une économie de troupes dont on retrouve aujourd'hui les tensions, hein, c'est-à-dire une économie de la précarité globalement, une économie qui doit s'accommoder de relations étroites avec le pouvoir, qui aujourd'hui comme hier reste le principal pourvoyeur de fonds d'un théâtre aujourd'hui public subventionné, hier monarchique et officiel. Il avait ses intermittents, puisque l'histoire, peut-être la légende, dit que s'il a tenu à jouer jusqu'au bout, en dépit de son état de santé flageolant, s'il a tenu à le faire, c'était pour que ses ouvriers, comme il disait, ne gagnent l'argent qu'ils devaient gagner chaque jour. Voilà, alors effectivement, citation authentique ou fantasmatique, peu importe d'ailleurs, puisque ce qui compte, c'est qu'elle le crédite d'avoir le sens des responsabilités, non seulement face à ses comédiens, mais également face à ce qu'on appelle à l'époque des gagistes, c'est-à-dire des gens qui sont payés à la tâche, qui sont des artisans du spectacle vivant, qui concourent à la bonne marche du spectacle dans toutes ses dimensions techniques, et pour lesquels Molière avait, dit-on, un immense respect. Donc il y a une sorte de conscience ouvrière, on pourrait dire, avant la lettre chez Molière, qu'on retrouvera ensuite à travers les grands metteurs en scène qui vont avoir à cœur de reprendre l'héritage, notamment du côté du Théâtre National Populaire. Lagrange, qui est son collaborateur, qui va d'une certaine façon lui succéder à la tête de la troupe dans son fameux registre, c'est une des rares sources immédiates que nous possédons, écrit à ce propos « Tous les acteurs aimaient M. de Molière, leur chef, qui joignait à un mérite et à une capacité extraordinaire, une honnêteté et une manière qui les obligeait à lui protester qu'il voulait courir sa fortune et qu'il ne le courir sa fortune, c'est l'accompagner dans son destin, qu'il voulait courir sa fortune et qu'il ne le quitterait jamais, quelques propositions qu'on leur fît et quelques avantages qu'ils pussent trouver ailleurs. » Absolument, on est dans une forme de compagnonnage artistique. Où la troupe est organisée comme une petite famille, et d'ailleurs les relations familiales sont nombreuses dans la troupe de Molière, comme on le sait. L'acte de fondation initiale est un acte contracté de la troupe, est un acte contracté entre Molière et la jeune Béjart, qui donc on a un lien, une intrication entre les statuts de la troupe et les relations personnelles. Il y a deux Béjart. Les comédiens, il y a deux Béjart. Madame Béjart et sa fille, oui, et Molière entretient des relations avec les deux, qui n'ont pas peu contribué à compliquer la vie de la troupe. Donc on voit bien qu'on a une intrication chez Molière permanente entre la dimension personnelle et affective et la dimension professionnelle du chef de troupe, du directeur de comédien, et puis beaucoup plus tard de l'auteur qui écrit, comme Shakespeare d'ailleurs, ses rôles pour ses comédiens, et qui adapte finalement en permanence les dialogues aux désirs des comédiens et surtout des comédiennes. Parmi les très nombreux auteurs qui ont porté la figure de Molière à la scène ou à l'écran, il faut rendre hommage à Arya Mnouchkine, qui a fait un très très grand film en 1978 avec Philippe Cobert dans le rôle de Molière et Jean-Claude Panchna dans le rôle de Louis XIV. Je vais vous en faire entendre, Martial Poirson, un extrait. Il s'agit du moment où, menacé à l'occasion de la querelle de Tartuffe, menacé, Molière va chercher la protection du roi et celui-ci la lui donne en lui demandant d'arbitrer un désaccord entre d'un côté Lully, le musicien, et de l'autre le nôtre, l'homme des jardins et par conséquent des jeux d'eau. Ah, monsieur Molière, on me dit beaucoup de mal de votre pièce, monsieur. Je supplie votre majesté de s'éclairer elle-même sur cette matière, car il est très assuré, sire, qu'il ne faut plus que je songe à faire de comédie si les Tartuffes ont l'avantage, qu'ils prendront droit par là de me persécuter plus que jamais et voudront trouver à redire aux choses les plus innocentes qui pourront sortir de ma plume. J'entends. Voulez-vous écouter la musique des eaux que me conseille monsieur l'architecte? Monsieur Lully, faites faire silence à vos trompettes et timbales. Eh bien, monsieur mon frère, que pensez-vous de cela ? Sire, je pense que monsieur l'architecte... Et vous, monsieur Molière ? Je pense, sire, qu'un roi favorisé de la terre et des cieux est le seul capable d'arbitrer ce litige qui survient entre la nature et les muses. Eh bien, nous allons favoriser les muses. Monsieur Lully, nous souhaitons que monsieur Molière et vous-même œuvriez ensemble à un divertissement, au plus tôt. Et pour ma pièce, sire, que puis-je attendre ? Ne craignez rien. Nous aimons votre talent, monsieur. Comment situeriez-vous, Martial Poisson, l'œuvre d'Aria Mnouchkine dans la longue postérité de Molière et de sa, de son image ? Alors, le film d'Aria Mnouchkine, sorti en 1978, est sans doute, à mon sens, le plus bel éloge rendu par une femme de théâtre à un homme de théâtre à travers le moyen du cinéma. C'est un film qui dure plus de 4 heures, qui embrasse l'ensemble de la carrière et de la vie de ce personnage et qui en particulier fait la part belle à ses années de province dont nous parlions tout à l'heure comme étant des années fondatrices d'un esprit de troupe, d'un esprit de compagnonnage, et on comprend bien qu'à travers ce film, Mnouchkine pose aussi les bases de sa propre mythologie d'artiste à la cartoucherie de Vincennes et de cette grande aventure qu'elle va mener jusqu'à aujourd'hui à travers un mode de fonctionnement qui n'est pas si éloigné d'ailleurs qu'on pourrait le penser de celui de la troupe de Molière elle-même. En région ou en province ou alors, aussi à Paris ? Assez peu en province, oui, à travers des grandes tournées, mais surtout dans un fonctionnement de troupe permanente qui s'inscrit en rupture avec le régime général de l'intermittence, des compagnonnages longs, une vie en commun dans le théâtre qui devient le lieu où se constitue la communauté autour de cette grande figure à la fois emblématique, charismatique et aussi un peu autoritaire, évidemment, par nécessité de la personne qui est en situation de responsabilité. Donc il y a un double hommage dans le film qui est rendu à la fois à Molière, mais également à ce qui se fait à ce moment-là au sein de la troupe du Théâtre du Soleil dans ces années fondatrices. Et puis, la séquence que vous avez choisie est tout à fait intéressante puisqu'elle est emblématique de la première phase du règne de Louis XIV, qui est la phase fastueuse, la phase où le roi danse, le roi chante, le roi participe pleinement à l'économie de la grandeur qu'il contribue à mettre en place. Et il voit dans le théâtre un outil privilégié de constitution de sa propre légende. Donc Molière est utilisé comme une sorte d'ambassadeur, non seulement du roi du règne du soleil, mais également de la culture française sur toutes les cours étrangères. En 65, hein, qui est le moment auquel cette séquence rend hommage, le roi va officiellement apporter son soutien à Tartuffe contre les dévots, donc il va prendre fait et cause en dépit des lobbies et des pressions, chose assez contemporaine elle aussi, puisqu'on sait que Tartuffe est aujourd'hui encore une pièce qui suscite beaucoup de polémiques, et notamment du côté des partis religieux, quels qu'ils soient, en échange d'une prestation de service, puisque dans cette séquence, Molière est présenté également comme un courtisan, maniant habilement la flatterie, capable d'intercéder dans un véritable piège, puisqu'on lui demandait de choisir entre deux personnages dominants à l'époque, et influent sur la cour, et qu'il fait le choix de choisir de ne pas choisir en renvoyant au roi la responsabilité de ce choix. Et c'est ce qui va faire que le roi va le choisir comme une des personnalités dominantes dans les divertissements de cour et dans toute l'économie de la grandeur qui se met en place à cette époque-là. Molière meurt en 1673 dans des conditions que la chronique a abondamment rapportées. On a longtemps dit qu'il était mort en scène et qu'il avait été d'ailleurs jeté à la fosse commune parce qu'à l'époque, les comédiens ne pouvaient pas être enterrés chrétiennement. Mm-hmm. Ce sont des fariboles. Alors, ce qui est authentique et qui durera jusqu'à la Révolution française, c'est le statut d'excommunié des comédiens, donc qui ne bénéficie pas des saints sacrements, hein, ni mariage, ni baptême, ni absolution. Même Molière. Même Molière, donc une des personnalités les plus influentes, même si je dirais que sa mort est arrivée au bon moment, puisqu'il était en train d'entrer en disgrâce et que Lully, à force d'intrigue, avait fini par prendre le dessus dans les faveurs du roi. Mais comment est-ce qu'est née cette légende de Molière en scène, voulant jouer le malade imaginaire. Le malade imaginaire qui meurt sur son fauteuil. Alors la légende est née essentiellement au sein du milieu théâtral lui-même, puisque les premiers pourvoyeurs du mythe moliéresque sont ses proches collaborateurs, à commencer par Lagrange, qui raconte dans son fameux registre cet épisode rendu célèbre, mais avec une sobriété bien plus grande que celle de ses futurs partisans. Donc la légende naît du fait que chez Molière, le lien entre le personnage et le comédien est constant. Hein, donc Molière meurt en quelque sorte de jouer la maladie. Il joue tellement bien la maladie qu'il en meurt. Évidemment, une très belle image sur ce rapport entre le personnage et son interprète. Et elle permet aussi de accentuer la dimension rebelle et résistante de Molière et d'édulcorer, bien sûr, la figure de l'homme de cour, ce qui permettra ensuite des réappropriations beaucoup plus commodes en évacuant la signification politique de la place réelle de Molière au moment de sa mort. Alors avant de le quitter pour entrer dans la période ultérieure, c'est-à-dire celle de son interprétation, de sa légende, des avatars successifs de son image, avant de le quitter, cet extrait du registre de Lagrange, précisément, sur la mort de Molière, une lecture du 20 février 1949. Pourrions-nous voir maintenant le fameux registre de Lagrange où est racontée la mort de Molière? Mademoiselle Delune va vous déchiffrer ce texte qui est un peu difficile à déchiffrer pour un profane. Ce même jour, après la comédie sur les 10 heures du soir, Monsieur de Molière mourut dans sa maison rue de Richelieu, ayant joué le rôle du malade imaginaire, fort incommodé d'un rhume et fluxion sur la poitrine qui lui causait une grande toux, de sorte que, dans les grands efforts qu'il fit pour cracher, il se rompit une veine dans le corps et ne vécut pas demi-heure ou trois quarts d'heure depuis la dernière veine rompue. Son corps est enterré à Saint-Joseph. C'est très difficile à lire. Et de la paroisse Saint-Eustache. Il y a une tombe élevée d'un pied hors de terre. Dans le désordre où la troupe se trouva après cette perte irréparable, le roi eut dessein de joindre les acteurs qui la composaient aux comédiens de l'hôtel de Bourgogne. Cependant, après avoir été le dimanche 19 et mardi 21 sans jouer, en attendant les ordres du roi, on recommença le vendredi 24 février par le misanthrope. Monsieur Baron joua le rôle. Ce texte est vraiment très émouvant par sa simplicité. Émouvant, oui, difficile à lire apparemment. Donc on voit qu'effectivement la sobriété et l'émotion même de ce texte tranchent tout à fait avec ce à quoi vous faisiez référence tout à l'heure, c'est-à-dire le mythe de la mort en scène de Molière commençant à éructer des crachats sanglants depuis son fauteuil, qui d'ailleurs lui-même, le fameux fauteuil du malade imaginaire, est devenu une véritable relique. Hein. Il est toujours exposé aujourd'hui à la Comédie-Française, fondée en 1680, donc 7 ans après la mort de Molière, par le dit Lagrange. Et donc la Comédie-Française, aujourd'hui encore, expose le supposé authentique fauteuil dans lequel serait mort Molière. Donc on voit bien qu'il y a l'embryon d'une sorte d'hagiographie qui va être d'autant plus efficace que Molière, après sa mort, laisse très peu de choses. On n'a aucun manuscrit authentique, on a très peu de textes administratifs signés de sa main, et on sait que Molière, ayant été particulièrement réticent à l'égard de l'impression de ses pièces, puisqu'il se considérait d'abord et avant tout comme un homme de scène, il y a même certaines pièces sur lesquelles on n'avait pas de version stable authentifiée par l'auteur, comme le Don Juan, dont la véritable version scénique ne sera retrouvée qu'en 1847 et qu'on va jouer pendant un siècle et demi dans une version versifiée par Thomas Corneille, frère de Pierre Corneille. Mais celles qui sont versifiées, celles de ces pièces qui sont en alexandrin, ont été néanmoins imprimées de son temps. Il avait trois sources de revenus, si je comprends bien, le mécénat principalement, les recettes bien sûr du théâtre et puis tout de même des droits d'auteur, non ? Oui, tout à fait, mais dans la plupart des éditions imprimées de ces pièces, il éprouve quand même le besoin de préciser que si on imprime ses pièces, c'est à son corps défendant, que il ne les imprime qu'à dessein de les rendre disponibles, en particulier pour les troupes de province, auxquelles il rend hommage, puisqu'il en connaît bien la situation, et qu'en réalité, ce théâtre ne devrait pas connaître les honneurs de l'impression. Et c'est assez curieux de voir qu'aujourd'hui, finalement, on retient surtout de lui l'homme de lettres, beaucoup plus que l'homme de scène qu'il n'a passé sa vie à mettre en avant. On relève dans la préface des Précieuses Ridicules de 1660 ces deux phrases. C'est une chose étrange qu'on imprime les gens, entendez les auteurs, malgré eux. Je ne vois rien de si injuste et je pardonnerai toute autre violence plutôt que celle-là. Voilà. Alors évidemment, c'est un éloge paradoxal hein, à l'auteur. En même temps, il y a une coquetterie d'auteur à dire que ce texte est imprimé malgré lui. Et vous avez effectivement tout à fait raison de préciser que c'est même une source de revenus pour lui. Mais néanmoins, je pense qu'on peut prendre tout à fait au sérieux cette image d'un théâtre qui ne doit pas laisser de traces, cette image d'un théâtre art éphémère, auquel Mnouchkine elle-même d'ailleurs rendra hommage plus tard. Il est donc tout à fait paradoxal que Molière soit celui par lequel le théâtre a cherché à se patrimonialiser comme art légitime, alors même que chez Molière, les choses sont beaucoup plus intriquées, complexes et ambivalentes que ça. C'est là qu'on est conduit au XVIIIe siècle, où le théâtre s'affirme comme essentiel et où en même temps, voyez Rousseau, il est très largement critiqué. Il y a une vie de Molière par Voltaire qui est tout à fait digne d'intérêt, non ? Voltaire est un maillon essentiel dans l'euphémisation du Molière homme de cour et la mise en place de ce que sera bientôt un Molière républicain, puisque Voltaire fait de Molière une sorte de victime des préjugés de son temps, une sorte de victime de tous les extrémismes, ce qu'il a été pour partie, mais quand même avec la protection du roi, ce qui n'est pas négligeable, comme on l'a vu. Donc Voltaire va poser les bases de la récupération progressive de Molière et de la décontextualisation, en particulier des conditions dans lesquelles il a écrit et représenté ses œuvres. Voltaire se peint, comme il advient souvent, quelque peu lui-même en décrivant Molière. On peut décrypter son œuvre consacrée à Molière de cette façon-là, non ? Et c'est souvent le cas d'ailleurs. La plupart des artisans de la légende de Molière sont intéressés par la captation d'un héritage que représente cet hommage et la façon de se placer sous le patronage de Molière, avec toujours évidemment des éléments extrêmement valorisants, Molière résistant à l'obscurantisme, Molière résistant aux préjugés, mais résistant à toute forme d'autorité, qui est évidemment la façon dont Voltaire lui-même se positionne en son temps. On ne peut qu'être sensible, me semble-t-il, au fait que Molière est un de nos grands auteurs, peut-être un des rares qui n'a jamais connu de période d'effacement. On a beaucoup considéré sa figure de façon très, très changeante, et c'est cela que nous décrivons au cours de cette émission. Mais néanmoins, il est resté toujours au devant de la scène, c'est le cas de le dire. Destouches, qui est un auteur du début du XVIIIe siècle, qui est un auteur à succès à l'époque, résumait assez plaisamment la situation dans sa préface à sa pièce qui s'appelait « Le Glorieux ». Après l'incomparable Molière, il semble qu'il n'y ait point d'autre secret de plaire que celui de marcher sur ses traces. Il ne nous a laissé que le désespoir de l'égaler. Trop heureux si par quelque route nouvelle, nous pouvons nous rendre supportables après lui. Alors ça, c'est tout à fait intéressant puisque Destouches fait partie de ce qu'on a appelé la génération des post-moliéresques, hein, c'est-à-dire une génération d'auteurs de comédies principalement qui se définissaient de façon permanente dans leur rapport à ce qui devient une sorte de canon absolu du genre comique, à savoir l'œuvre de Molière. Donc en gros, au XVIIIe siècle, la question est de savoir si on va être un bon plagiaire de Molière et donc avoir le succès qui en fait est dû au maître, ou si on va en être un mauvais plagiaire et donc faire injure à l'héritage. Et c'est dans ce contexte très particulier que vont naître les ombres de Molière. Dès 73, hein, dès 1673 d'ailleurs, on a une pièce de Brécourt intitulée « L'ombre de Molière » qui met en scène Molière revenant du Parnasse pour pouvoir distribuer les bons et les mauvais points aux comédiens de sa troupe, pour pouvoir donner des leçons de diction et de déclamation, et pour pouvoir également corriger les maladresses des auteurs qui prétendent lui succéder. Donc Molière devient une sorte de censeur absolu du bon goût français, du bon maniement de la langue, de l'esprit français, ce qui est tout à fait paradoxal, évidemment, quand on sait que Molière a passé sa vie à revendiquer la déclamation naturelle, à revendiquer la mise à distance des canons esthétiques, à essayer de trouver un espace comique, y compris dans des genres considérés comme mineurs à l'époque. Donc là, il y a un premier retournement intéressant de la figure qui devient une sorte d'argument d'autorité, à la fois pour les comédiens et pour les auteurs. Peut-être cette histoire est-elle à replacer à l'intérieur d'une évolution plus large, qui est celle de l'apparition du thème du grand homme opposé au héros au XVIIIe siècle, qui est devenu une sorte de passage obligé de la réflexion. Le grand homme ayant toutes les vertus civiques par rapport au héros masqué qui n'est bon qu'à faire la guerre. On voit cela chez Voltaire. Et on voit ça aussi chez Champfort, le moraliste, qui est un autre auteur d'une vie de Molière. Elle est disponible d'ailleurs dans une très belle réédition récente de la collection bouquins de Rivarol, Vauvenargues et Champfort, une édition de Maxence Caron. L'éloge de Champfort est tout à fait émouvant puisque Champfort est vraiment une figure emblématique des moralistes du XVIIIe siècle, hein, de la continuation sur notre base des moralistes du XVIIe siècle. C'est lui-même un auteur de théâtre important d'ailleurs, hein, il a publié quelques pièces tout à fait importantes et ce sera un fervent révolutionnaire. Et dans son hommage de 1750, il est l'un des tout premiers à retourner l'héritage moliéresque en présentant Molière comme une sorte de victime de l'arbitraire, du pouvoir autoritaire, des lobbies de tout genre. Et le voilà préparé pour être un personnage majeur de l'époque révolutionnaire. Absolument, voilà, tout à fait. C'est là que va naître la figure républicanisée d'un Molière chantre des droits de l'homme, d'un Molière laïque qui va évidemment avoir à cœur de pourfendre toute forme d'autorité, qu'elle soit religieuse ou politique. La Révolution française est un moment important dans ce que sera bientôt la consécration républicaine à la fin du siècle suivant, à la fin du 19e siècle. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Les années révolutionnaires sont intéressantes quand on considère, comme nous le faisons ce matin, l'histoire des avatars au sens propre successif de la figure de Molière. Il s'agit évidemment d'en extraire tout ce qui peut apparaître comme un appui au pouvoir royal. Par exemple, Fabre d'Églantine, le fameux auteur de « Auprès de ma blonde ». Fabre d'Églantine, malheureux, va être guillotiné d'ailleurs, publie en 1791 « Philinde de Molière » ou « La suite du misanthrope ». Tout à fait. Donc la Révolution, c'est un moment essentiel à la fois dans ce qu'on pourrait appeler l'épuration du répertoire moliéresque, puisqu'un certain nombre de pièces trop liées au règne monarchique qui ne sont plus jouées, en particulier les fameuses comédies-ballets. Molière est l'auteur d'une douzaine de comédies-ballets, écrites spécifiquement pour la cour, dans le cadre des divertissements mondains commandés par le roi. Et donc ces pièces vont disparaître subitement du répertoire. Donc Molière conserve les grâces des républicains, mais sous une forme édulcoré et avec des pièces qui sont copieusement censurées. On va caviarder toute évocation de l'aristocratie, de la fonction du roi ou de la reine. Donc de ce point de vue-là, les manuscrits de Souffleur qui sont conservés à la Bibliothèque Musée de la Comédie Française sont tout à fait intéressants puisqu'on voit très clairement les moments, les endroits où les textes est réécrit, les endroits où le texte est censuré et ce qui est considéré comme la version acceptable finalement de l'œuvre de celui qui deviendra plus tard un des héros de la République. Alors arrive le 19e siècle, qui est le siècle du romantisme dominant, en tout cas dans sa première partie. Il est intéressant de voir ce qu'on a fait de Molière à ce moment-là. Il y a une distance prise, et en même temps, chez certains, comme Alfred de Musset par exemple, une tendresse préservée et une critique de la manière dont ses pairs ont méconnu Molière. C'est le fameux poème qui évoque sa présence de Musset au Théâtre français. J'étais seul l'autre soir au Théâtre français, ou presque seul, écoutant-la. J'étais seul l'autre soir au Théâtre français, ou presque seul. L'auteur n'avait pas grand succès, ce n'était que Molière. Et nous savons de reste que ce grand maladroit, qui fit un jour Alceste, ignora le bel art de chatouiller l'esprit et de servir à point un dénouement bien cuit. Grâce à Dieu, nos auteurs ont changé de méthode, et nous aimons bien mieux quelques drames à la mode où l'intrigue enlacée et roulée en feston tourne comme un rébus autour d'un mirliton. J'écoutais cependant cette simple harmonie, et comme le bon sens fait parler le génie, j'admirais quel amour pour l'âpre vérité eut cet homme, si fier en sa naïveté. Quel grand et vrai savoir des choses de ce monde, quelle mâle gaieté si triste et si profonde que lorsqu'on vient d'en rire, on devrait en pleurer. Et je me demandais, est-ce assez d'admirer ? Est-ce assez de venir un soir par aventure, d'entendre au fond de l'âme un cri de la nature, d'essuyer une larme et de partir ainsi, quoi qu'on fasse d'ailleurs, sans en prendre souci ? Une soirée perdue, donc, d'Alfred de Musset, 1841, lu ici par Michel Favori. C'était dans l'émission Drôle de drame de Blandine Masson sur France Culture, bien sûr, le 15 janvier 2011. Martial Poisson, vous reconnaissez là vos romantiques en face de Molière ? Alors, on est dans l'éloge paradoxal, puisque si on s'en tient à la première strophe, on pourrait penser que Musset reproduit un stéréotype. Hein, c'est ironique, le grand maladroit. Voilà, on est tout à fait dans l'ironie. Et à mesure que le poème se déploie, arrive l'éloge à la mal-gaieté. Hein, cette mal-gaieté, cet art du burlesque, ce mélange des genres, ce parti pris de la modernité et de l'innovation qui est tout à fait dans le programme romantique. Donc, nouvelle captation d'héritage. Les romantiques vont s'approprier la légende moliéresque et d'une certaine façon, et ça sera une des caractéristiques importantes du 19e siècle, en déposséder les hommes de théâtre. Puisqu'on voit qu'au 19e siècle, les principaux artisans de la légende sont tantôt des hommes de lettres, tantôt des érudits, tantôt des savants, des universitaires qui vont contribuer à faire connaître un certain nombre de documents qui avaient été jusqu'alors égarés ou inaccessibles et qui vont être à l'origine d'une sorte de moliéromania. Tout le monde se met à parler de Molière, la société civile s'intéresse à Molière et la figure d'un Molière populaire va peu à peu se diffuser à travers l'évolution du discours savant. Une personnalité de premier plan est à retenir, Joseph Philoclès Régnier, qui va être à l'origine, en 1847, de la fameuse statue de la fontaine Molière, qui se trouve non loin du Palais Royal. Quand nous étions à l'école, nous récitions avec délectation, pour se rappeler les grands auteurs du XVIIe siècle, une corneille perché sur une racine de bruyère boit l'eau de la fontaine Molière. Mais c'était une affaire de potache, ne nous y attardons pas. Cette anecdote est assez emblématique quand même d'une diffusion ou d'une distillation de l'héritage moliéresque, non seulement l'œuvre mais également l'homme, hein, puisque c'est ça dont il est question ici, à l'intérieur de la société. Et on voit que Molière devient une sorte de socle d'une culture nationale partagée, d'une façon qui est tout à fait exceptionnelle au regard de ses contemporains. Je pense qu'à part La Fontaine, qui pour d'autres raisons connaît un peu le même destin, on n'a aucun auteur de la période classique, on n'a aucun auteur de la monarchie qui a connu un destin pareil. Molière rencontre tout de même dans les manuels les autres grands auteurs. Il y a le bon La Fontaine, vous l'évoquez, le glorieux Corneille, le tendre Racine et l'aimable Molière. Absolument, Molière devient le champion d'un art moyen, moins tapageur que celui d'un Corneille, moins glorieux en effet, plus proche du peuple, et c'est là que se met en place l'image d'un Molière ami du peuple, proche du peuple, emblématique d'une sorte de théâtre populaire. Donc il y a une diffusion qui est tout à fait intéressante, qui passe en effet par les manuels scolaires, et en particulier la figure d'un Molière gardien du bon sens, hein, du bon sens populaire partagé, gardien du bon goût également, et surtout gardien de la langue française, la langue de Molière. C'est une expression qu'on retrouve encore aujourd'hui. Parler dans la langue de Molière, ça veut dire parler selon les critères du bon goût et du beau parler. Donc on voit très bien la façon dont le programme d'éducation de masse mis en place par en particulier la Troisième République s'accommode très bien d'un auteur dont la langue est restée extrêmement accessible à tous, n'est pas du tout empreinte d'archaïsme, n'est pas du tout empreinte d'expression complexe et donc peut supposément parler directement au peuple. Je vais vous faire entendre un disque de 1968 sous l'intitulé Le Petit Ménestrel, Molière pour la joie des enfants, qui a été créé et adapté par Jean Meyer, et qui rend très bien compte, avec évidemment du recul, de ce qu'a été Molière sous la Troisième République, affirmant son autorité à partir des années 1880. Mmh. Chers amis, voulez-vous pour commencer que nous nous amusions à comparer la vie du plus grand auteur comique français, de celui qui tout à l'heure vous fera rire, de Molière, en un mot, avec la vie du plus grand auteur anglais, Shakespeare? Molière a vécu au XVIIe siècle, Shakespeare est né au XVIe, mais tous deux, à 21 ans, ont débuté dans la profession de comédien. Pendant 12 ans, chacun d'eux a parcouru la province avant d'écrire sa première comédie. Chacun d'eux a écrit 33 pièces. Tous deux sont morts dans leur 52e année. Que reste-t-il aujourd'hui de l'un et de l'autre? Des chefs-d'œuvre, bien sûr, mais, chose curieuse, aucun manuscrit, aucune page écrite de leurs mains. Jean-Baptiste n'est ni trop gras ni trop maigre. Il a la taille plus grande que petite, la jambe belle, il marche gravement, a l'air très sérieux, le nez gros, la bouche grande, les lèvres épaisses, le teint brun, les sourcils noirs et forts, et les divers mouvements qu'il leur donne lui rendent la physionomie extrêmement comique. Son caractère est doux, complaisant et généreux. Il a toutes les qualités d'un parfait honnête homme. Il ne parle guère en compagnie, mais s'il parle peu, il parle juste. Et puis, il a la passion d'observer les manières et les mœurs du monde qui l'entoure. Martial Poirson, vous retrouvez votre Molière dans cette description au profit des enfants? Oui, la séquence est tout à fait admirable. On est vraiment dans le bréviaire républicain. On est également dans l'héritage national, avec cette mise en tension entre les deux grandes gloires du théâtre européen, Shakespeare et Molière, de part et d'autre de la Manche. Et on voit bien que il y a la volonté dans cet extrait de montrer que notre génie national est tout aussi génial que le grand aîné britannique. Donc c'est là véritablement que se met en place aussi le mythe national, la dimension nationaliste voire patriotique du mythe moliéresque comme génie universel, porteur donc d'une culture également à vocation universelle, qui évidemment s'inscrit aussi dans toute la problématique du projet colonial. Et autre fait remarquable de cette séquence, on voit également réapparaître la figure d'un Molière moraliste, hein, celui qui a la passion d'observer, qui dit le mot juste, ni trop ni trop peu. Donc non plus l'homme de théâtre, non plus le directeur de troupe, et pas même véritablement l'auteur, mais le moraliste, le pourfendeur des vices et des vertus, dont la langue et dont la pensée revêt une dimension universelle. On retrouve cette figure de Molière dans le domaine des arts, par exemple de la peinture. Je pense au tableau de Geffroy, peint en 1857, et que vous avez mis, Martial Poirson, en couverture de votre l'ouvrage que vous avez dirigé sur les ombres de Molière. Et puis je pense au plafond de la salle Richelieu, qu'on peut toujours admirer aujourd'hui, lorsqu'on va à la Comédie Française, et qui montre la France couronnant Molière, Racine et Corneille. Absolument. Donc le tableau de Geffroy est intéressant parce qu'il propose une superposition entre les grands interprètes des grands rôles moliéresques. À l'époque, à la Comédie Française, on est dans ce qu'on appelle le système des emplois. 1857. On est dans le système des emplois, c'est-à-dire un système où chaque comédien est propriétaire d'un certain nombre de rôles et de personnages. Donc le tableau rend hommage à la fois à ces grands interprètes, qui sont les héritiers vivants de cette légende, aux grands personnages, et à un Molière qui, comme dans l'extrait du Petit Ménestrel, est en retrait, hein, tout à fait à gauche du tableau, dans la position du penseur, une tenue d'une étonnante sobriété par rapport au faste des costumes de ces comédiens-interprètes, et qui est en train de contempler sa création. Donc c'est le Molière philosophe, c'est le Molière penseur universel, c'est le Molière qui s'abstrait finalement de sa création pour la juger, et qui s'applique à lui-même la critique dont il gratifie l'essentiel des ridicules de son temps. Et que voit-on d'autre sur ce tableau ? Sur ce tableau, on voit l'ensemble de ces personnages portés par les grands comédiens qui en sont les dépositaires, dans des costumes qui sont tout à fait intéressants, puisque ce n'est pas encore des costumes historiques au sens moderne du terme. L'historiographie théâtrale ne permet pas encore à cette époque-là d'aller jusque-là, mais c'est la façon dont le 19e siècle voit la société de cour. Donc c'est ça qui est tout à fait intéressant, avec ces personnages qui descendent dans un double encorbellement d'escalier, de façon tout à fait majestueuse et gracieuse, à l'image des films de reconstitution historique qui s'attacheront à rendre compte de cette époque un siècle plus tard. Tel est donc Molière qui s'installe à l'école républicaine, à la salle Richelieu aussi. Oui, Molière devient vraiment l'auteur attitré des programmes scolaires, des manuels, des grands théâtres publics tels que la Comédie Française. La Maison de Molière. La Comédie Française qui d'ailleurs a pris assez rapidement, hein, dès le XVIIIe siècle, le surnom de Maison de Molière, alors même qu'elle est créée 7 ans après sa mort. Donc on voit bien qu'effectivement il y a une identification absolue entre l'institution dominante Comédie Française à l'époque et la figure du génie national, telle qu'elle est ensuite répercutée, reproduite et amplifiée par tous les hussards noirs de la République qui s'attachent à faire annonner des pages entières de Molière aux élèves, mais pas de n'importe quel Molière, hein. De la même façon que sous la Révolution française, on a un répertoire qui est très resserré sur les comédies de caractère, hein, le Tartuffe principalement, le Misanthrope, l'Avare, donc les grandes comédies de caractère, et parfois des pièces plus hybrides telles que Le Malade Imaginaire, qui est à la fois une comédie de caractère et également une comédie ballet. Bourgeois gentilhomme aussi. Et Le Bourgeois gentilhomme également, hein, dont on va supprimer en général dans les mises en scène les intermèdes dansés et chantés, qui renvoyaient trop directement au faste des fêtes royales. Comme si on se lassait ici ou là un peu de ce Molière en forme d'image d'Épinal, juste après la guerre de 14, est lancée une controverse assez curieuse, dont on doit dire un mot, c'est celle qu'imagine de proposer Pierre-Louis, le poète Pierre-Louis, et qui explique que ce n'est pas Molière qui a écrit ses pièces, ou la plupart de ses pièces, mais que ce serait Corneille. C'est une calembredaine ? Tout à fait. Alors en 1919, effectivement, la polémique bat son plein. Alors c'est intéressant, puisque comme toute légende, elle ne peut perdurer que s'il existe des contre-discours. Donc cette polémique, évidemment, va contribuer indirectement à amplifier finalement l'image et à rendre incontestable l'image de Molière. Aucun document sérieux ne permet d'attester cette contre-vérité. Qui ressurgira de façon récurrente encore tout au long du XXe siècle. Oui, elle va ressurgir tout au long du XXe siècle, quasiment jusqu'à la dernière édition des œuvres complètes en 2010, sous la direction de Georges Forestier, qui fait définitivement le point sur la question. Dans la Pléiade. Dans l'édition Pléiade, et qui montre que, effectivement, cette conception n'a aucune raison d'être, même si Molière et Corneille se connaissaient, en particulier au moment où la troupe de Molière revient à Paris. On sait qu'il y a une période un peu intermédiaire dans les années 1658-1661 où ils jouent tour à tour à Rouen et à Paris, donc les deux hommes se connaissaient. On sait également que le frère de Pierre Corneille, Thomas Corneille, qui à l'époque est au moins aussi connu d'ailleurs que lui, qui est un auteur en particulier de tragédies lyriques à machine à grand succès, va réécrire une version du Don Juan qui fera autorité pendant plus d'un siècle. Donc les points de rencontre justifient, ou en tout cas autorisent cette légende, mais cette légende aujourd'hui est totalement caduque et n'est intéressante que comme élément fantasmatique finalement. Nous allons maintenant clore cette conversation sur les avatars de la gloire nationale de Molière, Martial Poisson, en évoquant ce que le XXe siècle, et peut-être le début du XXIe, ont pu en faire, en confirmant finalement par la grande diversité des interprétations, en confirmant que la richesse de l'œuvre se prête à ce type de diversité. Ce n'est pas une trahison. On peut d'ailleurs considérer que la variété des interprétations peut être prise comme un hommage et non pas comme une sorte d'infidélité à un Molière supposé immuable. Il faut qu'à un moment donné, dans cette émission, nous entendions Molière lui-même. Alors je vais vous faire écouter un extrait de Tartuffe. La scène de l'effort de Tartuffe pour séduire Elmire, l'épouse de son hôte Orgon, c'est une interprétation de Louis Jouvet. Je ne l'ai pas choisi par hasard. Créé en 1950 au théâtre de l'Athénée, c'est l'acte 3 de la scène 3. C'est Monique Mélinan qui lui donne la réplique. Puis ensuite, je vous ferai entendre un commentaire de Roger Planchon à propos de Tartuffe, qui remonte à 1989 et qui montre de façon efficace, je crois, la grande diversité des interprétations possibles. Encore une fois, un hommage à la grandeur de l'œuvre. Comment, de votre mal, vous sentez-vous remise? Fort bien. Et cette fièvre a bientôt quitté prise. Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut, mais je n'ai fait au ciel nulle dévote instance qui n'ait eu pour objet votre convalescence. Votre zèle pour moi s'est trop inquiété. On ne peut trop chérir votre chère santé. Et pour la rétablir, j'aurais donné la mienne. C'est poussé bien avant la charité chrétienne. Et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés. Je fais bien moins pour vous que vous ne méritez. J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire. Et suis bien aise ici qu'aucun ne nous éclaire. J'en suis ravi de même. Et sans doute il m'est doux, madame, de me voir seul à seul avec vous. C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandé sans que jusqu'à cette heure il me l'ait accordé. Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Je ne veux aussi pour grâce singulière que montrer à vos yeux mon âme, tout entière, et vous faire serment que les bruits que j'ai faits des visites qu'ici reçoivent vos attraits ne sont pas envers vous l'effet d'aucune haine, mais plutôt d'un transport de zèle qui m'entraîne et d'un pur mouvement. Je le prends bien ainsi et crois que mon salut vous donne ce souci. Oui, madame, sans douter, ma ferveur est telle. Ouf, vous me serrez trop. C'est par excès de zèle. De vous faire aucun mal, je n'eus jamais dessein et j'aurais bien plutôt... Que fait là votre main? Je tâte votre habit. L'étoffe en est moelleuse. Ah, de grâce, laissez. Je suis fort chatouilleuse. Martial Poisson, comment situeriez-vous Jouvet parmi les interprètes, les metteurs en scène de Tartuffe, puisque nous concentrons notre attention sur cette pièce pour finir cette émission? Alors Louis Jouvet est un prodigieux interprète, évidemment, des grands rôles du répertoire moliéresque, mais curieusement, sur un plan plus théorique, il n'a pas apporté énormément de choses à cette légende qui fait l'objet de notre discussion. Il est dans une vision relativement académique du grand homme, il participe, il est dans le sillage de cette grande tradition de la sanctification républicaine de Molière, mais il ne représente pas véritablement un point d'inflexion du mythe. Contrairement à Jacques Copeau qui a été dans ses jeunes années le régisseur de Jouvet d'ailleurs, qui est un des grands artisans d'un théâtre populaire en France, et qui rend hommage au grand homme en disant, je cite, « Ne mésestimons pas Molière de se sentir et de se montrer ami du peuple », ce qui, évidemment, à cette époque-là, est intéressant. « Ce peuple de bonne grâce, depuis 3 siècles, répond à son amitié. » Donc là, on voit émerger un Molière ami du peuple, un Molière artisan d'un théâtre populaire, grand public, un Molière également rendu à la tradition foraine, farcesque, italienne des origines. Ce sera vraiment un des grands apports de Jacques Copeau, notamment dans sa mise en scène très célèbre des Fourberies de Scapin, où il revient à toute la gestuelle et à la déclamation qui a servi de modèle et d'inspiration à Molière. Donc un Molière populaire à la fois dans ses sources d'inspiration, dans ses origines, et également dans sa destination, dans le public qu'il touche. Dont Roger Planchon n'est pas tellement lointain. Roger Planchon, on est l'héritier direct avec le Théâtre National Populaire qui fait de Molière le porte-étendard, en quelque sorte, d'un théâtre idéologiquement marqué à gauche, qui a un véritable grand programme d'éducation populaire. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir du recul par rapport à la diversité des images de Tartuffe au cours du XXe siècle. Je vous ai promis qu'on l'entendrait, le voici. Il n'y a pas de tradition du Tartuffe. Contrairement à ce que l'on croit, la pièce a bougé énormément de nombreuses fois. Il y a eu quantité de mises en scène différentes sur cette œuvre. Le rôle de Tartuffe a été joué tantôt par un paysan auvergnat tel que Lucien Guitry, Jouvet le jouait en mystique, Fernand Ledoux le joue tout à fait différemment. Il y a eu des acteurs au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, qui en faisaient un grand seigneur libertin, d'autres qui en faisaient un athée complet, d'autres qui en faisaient une punaise de sacristie. Vous savez, la tradition, c'est précisément qu'il n'y a pas de tradition. Ce que Planchon dit là, en pensant surtout aux interprétations en France, vaudrait aussi pour l'étranger, car Molière a été compris, lu, interprété de façon très, très variée, et Tartuffe en particulier. On pouvait le jouer, par exemple, jusqu'en Afghanistan, et ça avait une portée implicite de lutte contre le cléricalisme islamiste. Oui, alors tout à fait, la dernière phrase de l'archive est intéressante. La tradition, c'est qu'il n'y a pas de tradition. C'est sans doute l'un des plus beaux hommages rendus à Molière par un des artisans du Théâtre National Populaire. Et c'est aussi l'émergence d'une nouvelle dimension de cette légende, à savoir l'idée d'un Molière comme défi scénique pour les metteurs en scène. Mettre en scène Molière ne peut faire l'économie d'une réappropriation, d'une relecture, d'une actualisation qui mettent en évidence les effets de résonance avec les questions sociales et politiques qui nous sont contemporaines. Et donnez-nous des exemples. Alors Tartuffe, auquel vous faisiez référence, est tout à fait emblématique, puisque il est successivement remonté par des metteurs en scène tels qu'Ariane Nouchkine, qui va faire un Tartuffe oriental. Et nous retrouvons et qui là. Va, évidemment, rendre justice à un Molière pourfendeur de tous les totalitarismes, de tous les fondamentalismes religieux, et donc transposer la querelle dévote sur le terrain des fanatismes contemporains. Villégié en a fait un nazi aussi, Tartuffe. Voilà, Jean-Marie Villégié, qui va donner au Tartuffe une dimension tout à fait nouvelle en le transposant dans l'occupation française et en montrant dans cet imposteur, Tartuffe ou l'imposteur, l'occupant allemand. Ça fonctionne très très bien, on est dans une comédie noire qui rend justice aux heures sombres de la France. Et puis, on trouve même Salman Rushdie passant par là. Alors on trouve chez Tony Harrison en 1989 dans Blasphemous Banquet une version tout à fait intéressante puisqu'elle renoue de façon très littérale avec les ombres de Molière. C'est une ombre de Molière qui réapparaît dans un banquet aux côtés de Voltaire, dont on a vu le poids qu'il avait dans la légende de Molière. Le banquet des blasphémateurs. Le banquet des blasphémateurs de Byron et du poète perse du XIe siècle Omar Khayyam, qui tous se portent au secours de Salman Rushdie, qui vient à l'époque d'être frappé de fatwa, qui vient d'être condamné à mort par l'ayatollah Khomeini. Donc on voit apparaître là un Molière résistant, en quelque sorte, à l'oppression, à l'autoritarisme, au totalitarisme, qui est tout à fait emblématique de l'évolution actuelle de cette légende qui devient véritablement une arme de combat. On a un répertoire qui est mis au service de la lutte contre toutes les formes de l'autorité arbitraire et qui va se porter au secours d'un certain nombre de populations résistantes en Iran, dans un certain nombre de pays du tiers-monde, où Molière, et pas seulement d'ailleurs dans les pays issus de la francophonie, où Molière est aujourd'hui encore utilisé comme fer de lance des résistances sous toutes leurs formes. Eh bien, nous pouvons gager à l'issue de cette conversation consacrée aux avatars de Molière comme gloire nationale et internationale qu'il n'a pas cessé de servir à quelques bons combats. C'est une preuve de sa vitalité que nous saluons pour terminer, n'est-ce pas ? Je crois que c'est le plus bel hommage qui peut lui être rendu, hein, de faire tradition en ne faisant pas tradition et de se prêtant à toutes les formes de lutte contre l'oppression. Nous avons évoqué la réédition récente dans la collection de la Pléiade de ses œuvres complètes, dirigée par Georges Forestier, avec aussi Claude Bourqui. Ce sont des textes établis notamment par Édric Caldicott et Alain Riffaut. Et pour vous-même, Martial Poisson, vous avez dirigé un ouvrage sur lequel j'ai fondé largement la préparation de cette émission, qui s'appelle « Ombres de Molière », « Ombres au pluriel », « Naissance d'un mythe littéraire à travers ses avatars du XVIIe siècle à nos jours ». C'est une publication Armand Collin en 2012. Et puis vous êtes beaucoup intéressé aux aspects économiques, financiers de la vie théâtrale depuis plusieurs siècles. Vous avez donc publié un livre qui s'appelle « Spectacle et économie à l'âge classique, 17e-18e siècle ». C'est un classique Garnier de 2011. Vous pourrez, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, comme vous le savez, retrouver une bibliographie plus complète sur notre site et vous pourrez écouter, réécouter, télécharger cette émission. Samedi prochain, nous parlerons de Londres au 19e siècle, les pulsations du monde avec Philippe Chassaigne. Je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi Londres et l'Angleterre sont actuellement à la première place de l'actualité. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec la collaboration de Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée cette semaine par Véronique Villa, avec Jean-Michel Bernot à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'INA, Sandra Escamez et Aude Vassan. Et dans quelques instants, l'émission de Christine Ockrent, Affaires étrangères.